a mis les voiles. Tu as navigué en solitaire dans les îles d'outre-mer. Tu as laissé tout tomber. D'affronter les réalités, une vie enfin retrouvée, aventurier des mers, loin de la terre, passager du vent. De la des océans, aventurier des mers, loin de la terre, a besoin de gars pour faire escale à Saint-Va. Tu as voulu tourner la page, seul à bord de ton radio, comme un vieux matelot. Seul, tu as essuyé des tempêtes, t'es habité à pas péter, aventurier des mers, loin de la terre, passager du vent. Faire escale à Saint-Barth.